Genèse chapitre 6. Or il arriva que quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, et qu'ils eurent engendré des filles, les fils de Dieu, voyant que les filles des hommes étaient belles, prirent pour leurs femmes de toutes celles qu'ils choisirent. Et l'Éternel dit, « Mon esprit ne plaidera point à toujours avec les hommes, car aussi ils ne sont que chair, mais leurs jours seront 120 ans. » Il y avait en ce temps-là des géants sur la terre, lors, dis-je, que les fils de Dieu se furent joints avec les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces puissants hommes qui de tout temps ont été des gens de renom. Et l'Éternel, voyant que la malice des hommes était très grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de leur cœur n'était que mal en tout temps, se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et en eut du déplaisir dans son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de dessus la terre les hommes que j'ai créés, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, jusqu'aux reptiles, et même jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce devant l'Éternel. Ce sont ici les générations de Noé. Noé fut un homme juste et intègre en son temps, marchant avec Dieu. Et Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. Et la terre était corrompue devant Dieu, et remplie d'extorsion. Dieu donc regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Et Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est venue devant moi, car ils ont rempli la terre d'extorsion, et voici, je les détruirai avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu feras l'arche par loge, et la calfeutrera de bitume par dedans et par dehors. Et tu la feras en cette manière, la longueur de l'arche sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées, et sa hauteur de 30 coudées. Tu donneras du jour à l'arche, et feras son comble d'une coudée de hauteur, et tu mettras la porte de l'arche à son côté, et tu la feras avec un bas, un second, et un troisième étage. Et voici, je ferai venir un déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair en laquelle il y a esprit de vie sous les cieux, et tout ce qui est sur la terre expirera. Mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi, et tes fils, et ta femme, et les femmes de tes fils, avec toi. Et de tout ce qui a vie d'entre toute chair, tu en feras entrer deux de chaque espèce dans l'arche, pour les conserver en vie avec toi, savoir le mâle et la femelle, des oiseaux selon leur espèce, des bêtes à quatre pieds selon leur espèce, et de tout reptile selon leur espèce. Il y entrera de tous par pair avec toi, afin que tu les conserves en vie. Prends aussi avec toi de toutes choses qu'on mange, et la retire à toi, afin qu'elle serve pour ta nourriture et pour celle des animaux. » Et Noé fit selon tout ce que Dieu lui avait commandé, il le fit ainsi.